Tu viens avec nous ? Ah bah oui, on peut retourner. Tu viens pas ? Elle viendra pas. Je confirme, c'est bien ça le cercle. Personne d'autre va entrer à l'intérieur ? Non. Pour respecter le lieu, nous allons faire un long silence. Donc essayez de plonger au fond de vous. Essayez de trouver la paix en vous. Par exemple, écouter sa respiration pour le vide intérieur. Esprit du lieu, merci de nous accueillir ici, en ton lieu. Donne-nous ta bénédiction pour accomplir ce pèlerinage et ce rituel. Apporte sur nous un regard bienveillant et offre-nous ta bénédiction ainsi que ta protection. J'appelle sur ce cercle les anciennes divinités celtes, particulièrement honorées sur ce lieu. J'en appelle à toi, Lug, dieu de la lumière primordiale. Sois présent sur ce cercle. J'en appelle également à toi, Talencio, déesse de la terre qui nous nourrit. Soyez présents sur ce cercle, en ce lieu qui réunit à la fois la terre et le ciel. Voici l'axe primordial, l'axis mundis. L'arbre sacré qui puise sa force dans le monde du dessous ainsi que dans le monde du dessus. Je vous demande à tous d'incarner cet axe, de le visualiser au fond de vous et de l'incarner. Imaginez cette force qui vous nourrit depuis vos pieds, qui puise son énergie dans ce que vous visualisez comme le monde souterrain. Cette énergie qui monte en vous par vos jambes et qui s'arrête et qui remplit une petite sphère dans votre plexus solaire. Ainsi qu'imaginez l'énergie du dessus, comme si vous déployez vos branches, qui rentre par vous, par la tête et par vos mains, et qui s'arrête également au plexus. Visualisez cette énergie qui se mélange au fond de vous. Et dans cette énergie, vous devez y trouver la paix. Mais la paix, qu'est-elle ? En ce jour, en ce lieu, qu'est-elle pour nos ancêtres la paix ? Comment faire la paix si nous ne connaissons pas son sens ? Il y a bien longtemps, nos ancêtres ont foulé cette terre, ont pèleriné également comme nous. Certains en même temps, certains de force, certains pour contrer d'autres, et certains pas en même temps. Mais ce qui montre que la paix règne aujourd'hui, c'est malgré toutes nos croyances et nos sens. Nous sommes tous ici présents pour honorer nos valeurs, nos ancêtres, et prouver que ces vieilles traditions ne sont pas mortes, car nous sommes ici présents. Et que nous sommes tous réunis ensemble prouve que nous sommes réunis dans la paix, et que nous ne renaîtrons jamais les conflits intérieurs. Nous incarnerons cette paix qui est d'actualité. J'en appelle aux esprits des ancêtres, esprits qui flottaient dans le vent, esprits de nos familles qui sont passés de l'autre côté, esprits de notre lignée, lignée de sang ou lignée spirituelle, vous les ancêtres qui avez déjà parcouru ce lieu avant nous, soyez présents parmi nous. Grâce du grand faucon qui plane dans l'air pur et limpide. On appelle aux puissances de l'Est qu'elle apporte le rêve, l'inspiration sur ce cercle. On demande à tous d'incarner la paix de l'Est. Dans le galop du grand cerf qui vit dans les grandes forêts, apporte sur ce cercle la passion et l'inspiration. Que règne ton grand feu. Demande à tous d'incarner la paix du sud. On appelle au grand saumon de sagesse qui fraye dans les eaux de ces rivières. Apporte sur ce cercle la connaissance et la fluidité. Demande à tous d'incarner la paix de l'Ouest. À vous, puissance du Nord, par la patte de la Grande Ourse, venez apporter la stabilité et la fermeté sur ce cercle. Je demande à tous d'incarner la paix du Nord. Puisque les divinités et les esprits ont été invoqués sur ce lieu, le cercle peut à présent être tracé. Le cercle est à présent tracé et qu'il soit consacré par le feu. commencement, il n'y eut que le feu et la glace. À la fin, il ne restera plus que le feu et la glace. Je consacre ce cercle par le feu de nos foyers, le feu de nos passions, le feu de l'amour, le feu créateur, le feu purificateur, le feu qui nous réchauffe, le feu qui nous permet de vivre, le feu qui nous anime, et le feu de nos cœurs. Voici l'eau purificatrice, l'eau source de vie, l'eau nourricière, l'eau de la pluie, l'eau des océans, l'eau souterraine, l'eau utérine, l'eau fluide, limpide, parfois obscure, l'eau de la naissance, l'eau de la renaissance. Ce cercle est à présent consacré par l'eau. Alors, l'hommage qui suit a été préparé par Michael, donc druide au Collège des Gaules qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc il m'a chargé justement de vous le présenter. Donc c'est un hommage à Loug et à Talencio. Maïs, lait, paix, bien-être, filet plein, océans abondants, guidants sages, alliés puissants. Puisse le puissant Loug vous accorder talent, intelligence, et victoire dans tous vos efforts. Puissent vos lances être fortes, votre récolte riche et votre terre souveraine. Et au nom de Talencio, qui est morte au travail pour son peuple, puissions-nous ne jamais oublier d'honorer le coût de ce qui nous est cher. Talencio, déesse mère, origine de tout, reçois ce lait en offrande. Puisse-t-il nourrir la terre, symboliquement. Par ces offrandes, nous te remercions de tous les bienfaits que tu nous apportes. Car sans toi, nulle vie ne pourrait être fécondée. ton regard vers la terre et vers les cieux, le soleil, la lune et les étoiles, toi qui veux devenir sage. Car elles contiennent la pleine mesure de l'homme, hauteur, largeur, profondeur, il l'englobe tout entier. Tourne ton regard vers la terre et vers les cieux. Regarde-les se tourner comme les pages d'un livre. Un livre que nulle main humaine cependant n'a effleuré. Toi qui veux être sage, tourne ton regard vers la terre et vers les cieux. Car dans ce qui est visible à l'extérieur, la véritable connaissance des mystères intérieurs peut se révéler à toi. Toi qui veux être sage, tourne ton regard vers la terre et vers les cieux. Au printemps, en été, en hiver, en automne, observe la vie qui décroît. Observe la vie qui éclot, se déploie, puis se fane et se meurt, pour se ranimer une nouvelle fois en un cycle sans cesse répété. Toi qui veux être sage, tourne ton regard vers la terre et vers les cieux. Et tandis que tu regardes, comprends donc ce mystère. Toi qui contemples la terre et les cieux, tu recevras des yeux pour voir. Tu recevras des yeux pour devenir sage. Car tout, tout est éternité. Nous sommes tous fils de la poésie. Poésie, fille de réflexion. Réflexion, fille de méditation. Méditation, fille du savoir. Savoir, fils de la recherche. Recherche, fille de la connaissance. Intelligence, fille de la compréhension. Compréhension, fille de la sagesse. Et sagesse, fille de Lugue. Trois fois grand. Ah ouais. Par la lumière de Lugue, mûrit le blé. Le blé, céréales que nos ancêtres ont domestiquées pour nous. Marquer la séparation du monde sauvage, nous permettre de créer ce qu'on a créé maintenant. Le blé, nos ancêtres ont remplissé les greniers pour pouvoir survivre à l'hiver. Et maintenant l'époque des récoltes qui signe d'abondance. Nous récoltons en ce moment les fruits de toute une année, le travail, le labeur. Or maintenant, plus beaucoup d'entre nous ont des greniers remplis de blé. Et nous avons tous des greniers intérieurs que nous remplissons de quelque chose. Que chaque année nous visualisons ça comme du blé. Nous travaillons pour essayer d'accomplir quelque chose, de pouvoir le récolter et en profiter. Parce qu'on pouvait visualiser comme l'hiver. Maintenant, il suffit de séparer le grain de ce qui est impur. Et de conserver que ce qui nous est important et ce qui nous nourrit. Ensuite, il suffira de le protéger pour pouvoir survivre et ainsi recommencer le cycle. Incarnez tous en vous cette pureté qu'apporte le blé pour le dur labeur de vos efforts, de vos récompenses. Ne le laissez pas moisir. Prenez-en soin. Et celui, le grain qui ne vous sera pas vital cette année, serez-vous-en pour le replanter l'année prochaine. C'est pas grave. Les cycles recommencent, on peut recommencer. Mangez, buvez, profitez-en. Et n'oubliez pas de remplir vos greniers. Pour vous protéger de l'hiver. Pas si facile de démêler ce qui est pur et impur. Il faut y aller minutieusement, prendre son temps, pour être sûr que ce soit bien fait. Je vous le répète, visualisez ce grain comme l'abondance intérieure de ce que vous voulez. La récolte de votre année. Je vous propose à présent de former un cercle en se tenant les mains. Et donc on va faire ce que dans la tradition druidique on appelle un awen, on va en faire trois. C'est semblable un peu au, un aum, une sorte de mantra en fait qui permet de concrétiser, de matérialiser les énergies spirituelles. De passer la main à nos frères germanisants, je vais vous lire une première partie d'un poème qui a été rédigé par Bernard, qui n'a pas pu venir. Donc c'est un poème en plusieurs parties, avec une partie qui est plus celtique et une autre qui est plus germanique. Ô ma chère Epona, emporte-moi sur le mont d'Ounoum, là où se battent Taranis et Toutatès. Faites la paix et venez tous avec moi. Brigitte nous attend. Loug nous dit qu'il y a des noces aujourd'hui. Cosmos se marie avec la terre-mère Anna. Et Anna avec Nounoum annonce Danam. Merci à tous. D'avoir été présent pour ce rituel druidique. Si quelqu'un souhaite dire quelque chose ou apporter quelque chose, profiter du texte dans un cercle sacré pour honorer vos traditions, vos croyances et vos divinités. Imaginez qu'on nous observe, nous leur rendons tous hommage. Merci à vous. Merci. Peut-être souligner que peut-être que le grain est important, mais il y a une chose essentielle chez nos autres germains, dans le Footark. La première rune, c'est Féou. Certes, c'est l'abondance, la richesse, mais c'est aussi un signe du bétail. Prendre le grain est une chose, mais le fourrage est essentiel pour nourrir le bétail. Et un bétail abondant est signe de richesse. Merci à toi. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? On peut parler peut-être des divinités romaines, des germaniques. Il y a des germanisants, des nordisans qui s'avancent dans le cercle. Nous sommes tous ici, sous les yeux de Wotan et de ses deux fidèles corbeaux. Maman. Que même son œil perdu nous regarde à travers celui de ses messagers. Afriga. Wilduna. Priya. Liés aux trois nornes qui puisent dans la terre et nous inspirent. Nous donnent sagesse, force. Jumeaux, Freya, leur dualité, mais aussi aussi leur complémentarité fasse partie de nous. Et nous honorons Nertus, Huerta, la mère terre, sans qui nous n'existerions pas. Huerta. Comme il se doit dans nos coutumes, l'un après les autres, nous buvons et nous passons. Que les dieux sont de mon sang. Moi, mais pas le manger dans la bouche. Oui, je sais. Mais elle peut comme manger dans la bouche. Tu m'as énervé. Pas ta terre. Non. Il y a ta terre. Ta terre, c'est quoi ça? C'est quand même tout ça. Ta terre, maman, elle a des chutes. C'est Skal hin gå til hin der med mal. Merci à vous. Je tenais, avant de clore ce cercle germanique, paix avec toutes les autres cultures ici présentes. Et ça, par contre, caca. Le romanisant. Ça, c'est mieux qu'à l'île. Nous avons prévu aussi un rite germanique. Mais le temps qu'on le mette en place, etc., on peut se disperser. Oui. Et si vous avez une dernière chose à dire avant qu'on sorte du cercle. Bon, ben, le cure serait tué en fermant les quatre directions. Au moins que tout. Moi que en tout cas, à moins qu'on fasse le rite romanisant en même temps. C'est dommage de dissoudre le cercle. Je pense, non. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Je pense que c'est ça. Le cercle. Oui, parce qu'on avait prévu autre chose en fait. Ah, d'accord. Ah, bah sinon, on dissout le cercle. Puis, voilà. On dissout le cercle et on le ferme. Ouais. Donc, là, si plus personne n'a quelque chose à apporter pour l'inspiration, je peux faire le cercle. Remercie les esprits du Nord de nous avoir guidés lors de ce rituel. Vous pouvez regagner vos royaumes. Les portes du Nord sont fermées. Mais je ne veux pas. À chaque fois que je suis de voile dans ta bouche, je suis gomme. Merci à toi, grand saumon, d'avoir été présent. Tu peux regagner tes royaumes. Les portes de l'Ouest sont fermées. Elle a des dents. Bah oui, hein, comme tous les bébés. Bah non, ils ont pas de dents. Hein. Si, ils ont des dents. Oui, j'essaie. Merci à toi, au grand Terminos. Les esprits du Sud avoir été présent sur ce rituel. Vous gagnez donc vos royaumes, portes du sucre fermées. Tiens toi, grand faucon. C'est quoi ? J'entends. Tu vas planer au-dessus de nous. C'est quoi ? Pour regagner. Elle sait dire quoi ? Ouais. Les portes de l'Est sont désormais fermées. Oui. Donc maintenant, merci à vous. Ouais, il y a un peu de prévu déjà en fait. Du coup, ouais, bon, je pense que les notes sont pas mal. C'est plutôt une libation qui... Ouais, c'est pas mal, parce que normalement, un véritable rituel, on s'arrête pas à pas jeûner. J'ai pas des énergies sont remontées. Ça va mieux, moi. On reste en serre.